Ouais, respect à Pito Mike. Je pense qu'aujourd'hui il est représentatif d'un jeune qui est parti de rien pour arriver à tout. C'est le cœur qui parle, la main qui tremble sur les feuilles mortes. Pito en une phrase, mec, un poète, yes. Le travail finit toujours par payer. C'est le MC en France qui emporte le mieux dans un morceau posé. J'aime bâtir un empire. Nique tous d'un nez, mec. Pour moi, Bacardi, il est universel. Big Bacardi, c'est qui? La vérité, l'émotion, le naturel et la mélancolie. Yeah. Un condensé de sobriété, d'humour, de fond, de forme, d'émotion, de gentillesse. J'ai vu le jeu, je me perds flipper, ma mort, l'excès d'amour. C'est qu'il me voit, toute Bacardi, c'est qu'il me voit. Un flow, un accent. Eh ouais gros, c'est tandem pit en vendetta pour un projet KO. Lyrical pyromane, c'est première classe contre les mythomanes. Un véritable phénomène dévore les charts. Resserre ton boule pour come back, c'est PC pour te mettre des claques. Un peu trop classe pour être black. Bacardi pit mon pote, c'est le palace de Scarface sur une bande son. Avec PC comme épaule solide. C'est à les tunes, on a les flingues, c'est à la prod, on a la prose.